toi, ces jeux d'enfant, ces jeux dans les bois, quand le soleil t'accompagnait, nos rêves respiraient encore, tu crois encore à nos destinées, tu ne crois toujours pas à la mort. Comprendre, j'ai bien essayé de me pendre, mais les douces nuits ont fait jaillir de nouvelles envies. Un cœur arraché ne peut pas être soigné, alors j'essaie de prendre le tien, si sale entre ses mains. Rappelle-moi, rappelle-toi, juste un rêve à tuer, juste la lune à décrocher. Oh, rappelle-moi, rappelle-moi. Attendant juste une dernière fois ton corps, le temps passe et je pleure, le temps passe et je meurs. Décrocher, rappelle-moi.